Habacuc chapitre 2. Je me tenais en sentinelle, j'étais debout dans la forteresse, et faisais le guet, pour voir ce qui me serait dit, et ce que je répondrais sur ma plainte. Et l'Éternel m'a répondu, et m'a dit, écris la vision, et l'exprime lisiblement sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps, et l'Éternel parlera de ce qui arrivera à la fin, et il ne mentira point. S'il tarde, attends-le, car il ne manquera point de venir, et il ne tardera point. Voici, l'âme qui s'élève en quelqu'un, n'est point droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. Et combien plus l'homme a donné au vin est-il prévaricateur, et l'homme puissant est-il orgueilleux, ne se tenant point tranquille chez soi, qui élargit son âme comme le sépulcre, et qui est insatiable comme la mort, il amasse vers lui toutes les nations, et réunit à soi tous les peuples. Tous ceux-là ne feront-ils pas de lui un sujet de raillerie et de sentence énigmatique? Et ne dira-t-on pas, malheur à celui qui assemble, ce qui ne lui appartient point? Jusqu'à quand le fera-t-il, et entassera-t-il sur soi de la boue épaisse? N'y en aura-t-il point qui tout incontinent s'élèveront pour te mordre? Et ne s'en réveillera-t-il point, qui te feront courir ça et là, et à qui tu seras en pillage? Parce que tu as butiné plusieurs nations, tout le reste des peuples te butinera, et à cause aussi des meurtres des hommes, et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. Malheur à celui qui cherche à faire un gain injuste pour établir sa maison, afin de placer son nid en haut pour être délivré de la griffe du malin. Tu as pris un conseil de confusion pour ta maison, en consumant beaucoup de peuples, et tu as péché contre toi-même. Car la pierre criera de la paroi, et les nœuds qui sont dans les poutres lui répondront. Malheur à celui qui cimente la ville avec le sang, et qui fonde la ville sur l'iniquité. Voici, n'est-ce pas de par l'Éternel des armées, que les peuples travaillent pour en nourrir abondamment le feu, et que les nations se fatiguent très inutilement? Mais la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux comblent la mer. Malheur à celui qui fait boire son compagnon en lui approchant sa bouteille, et même l'enivrant, afin qu'on voie leur nudité. Tu auras encore plus de déshonneur que tu n'as eu de gloire, toi aussi, bois, et montre ton opprobre, la coupe de la dextre de l'Éternel fera le tour parmi toi, et l'ignominie sera répandue sur ta gloire. Car la violence faite au Liban te couvrira, et le dégât fait par les grosses bêtes les rendra tout étonnés, à cause des meurtres des hommes, et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. De quoi sert l'image taillée, que son ouvrier l'est taillée? Ce n'est que fonte, et qu'un docteur de mensonges, de quoi sert-elle, pour que l'ouvrier qui fait des idoles muettes se fie en son ouvrage? Malheur à ceux qui disent au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, réveille-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et toutefois il n'y a aucun esprit au-dedans. Mais l'Éternel est au temple de sa sainteté. Toute la terre, tais-toi, redoutant sa présence.